eta paiseko salu famatia abiatuik eta xariak ebai banatuik isker eta eskuin eta jala nula urrezko eta zilarrezko domina edo xariak ukendutin irulegiko xotuak eta justoki xotoko buia dugu guekilan Olivier Martin, egun hon. Bonjour, Olivier, l'appareil. Justoki bertz, zer egiten hausie xari horien ukeitia? Eh bien, c'est toujours une satisfaction de voir des récompenses sur ce concours qui est quand même un concours national sur Paris. C'est toujours intéressant, notamment voilà sur nos vins rouges. C'était bien sympa de voir ces deux récompenses cette année. Hala behaz, horitazteko, bai Arno Gorri edo hobek egan beltzetan da, Ainara edo Katialin eta Mina Berrin aldetik. Eta horrek, zien ustez, ze ondorio ukaiten aluke? Eh bien, aujourd'hui, le blanc d'Irulegui, par exemple, n'est plus à, comment dire, à mettre en avant. Hein. Il a une très très bonne réputation et les rouges pâtissent encore parfois d'une méconnaissance un petit peu des consommateurs qui ont parfois encore une image de rouge, on va dire rustique, etc. Et je crois que cette récompense prouve qu'aujourd'hui, un travail, depuis de longues années maintenant, hein, a été fait sur nos cépages à la vigne en rouge et ensuite sur nos vinifications pour faire des vins qui plaisent à une majorité, notamment complet au jury de Paris. Eta zumeitek aipatzen die ondotik jo salmentak ehuneko hogei edo berrogeiaz emendatzen ahal diela, hor sobea da, la bai espean txako hortan dia. Oui, je pense que c'est très ambitieux. Moi la médaille, en fait, elle permet surtout, notamment sur certains réseaux, on en parlait tout à l'heure, qu'on peut peut-être la grande distribution, ça permet aux gens d'identifier un vin un peu plus de qualité lorsqu'ils n'ont pas le conseil. Quand les vins se retrouvent, que ce soit à la boutique à Baïgorry ou chez nos amis cavistes ou restaurateurs, ils ont du conseil. Mais c'est vrai que quand on est face à un linéaire ou quand on est face à des bouteilles sans conseil, ben le macaron d'un concours comme celui de Paris permet effectivement d'accélérer un petit peu les ventes. Eta hatik behaz, etzidezun paiseat, jala igan urtean departamentuak antolatu zien zeren baitan joan zineztelaik, zer ez baitu olako gogo handik pizten edo... Non, alors c'est plusieurs raisons à ça, de la non-présence à Paris. Effectivement, il y a d'abord le coût, on va dire le coût d'être sur le salon, qui est quand même très très élevé, hein, le prix du mètre carré, plus derrière tout ce qui est logistique, frais de personnel, de déplacement, etc., qui sont quand même des frais importants. Autrefois, la cave était présente sur le salon parce qu'on avait également tout un, on va dire, un public et toute une clientèle de la région parisienne qui venait nous voir à ce moment-là pour passer commande de leur verre, ce qu'ils font aujourd'hui sur Internet. On va dire la note de consommation a changé, les générations changent à ce niveau-là aussi. Donc c'est vrai que il faut pouvoir peser le pour et le contre. Et effectivement, l'opportunité d'y être l'an dernier avec le département était quelque chose de très chouette. Ça n'a pas pu être renouvelé cette année pour les raisons que l'on sait, notamment les finances départementales. On n'exclut pas, bien sûr, dans les années futures, de pouvoir refaire ce genre de manifestation avec eux, ce qui permet aussi de... on va dire d'avoir une image commune du département, mais notamment aussi de notre secteur du Pays Basque, et ça c'est important. Bon, urrentzeko behaz, bai, egin ginen bilantio bat mahatz biltzian garaian, geostik, dena untxa pasatzen da? Oui, oui, tout se passe comme il faut, les vinifications se sont très bien passées, ce qui est en cuve est très intéressant sur le millésime 2024. Alors comme on avait dit, 2024 était une année un peu plus sympa que les précédentes, sans être une année exceptionnelle au niveau quantité. Par contre, au niveau qualité, voilà, il y a des très jolies choses qui se goûtent dès à présent. Les blancs et rosés vont être mis en marché, je pense, courant mars-avril. Donc ça va être une bonne chose, vu qu'on est en rupture depuis quelques mois, notamment sur deux références de blancs, sur Katialine Blanc et sur Mina Berry Blanc. Donc ça va permettre de relancer là aussi un volet économique qui nous fait un petit peu défaut. Et voilà, et les rouges aussi sur 2024 sont assez, assez prometteurs avec, on aura l'occasion d'en reparler, une petite cuvée nouvelle en préparation. J'en dis pas plus pour le moment. Bon, ordien, ondoko berriendako, laster arte? Bien sûr, à très bientôt. Milesker.